Madame, quand j'ai croisé vos yeux, pour vous, ce n'était sûrement qu'un jeu. Mais moi, je me suis senti mieux. Mais moi, je me suis senti mieux. Madame, votre fameux regard sur moi eut l'effet d'un poignard. Si je m'étais permis d'y croire, si je m'étais permis d'y croire, bien sûr, j'aurais pu me lever, j'aurais pu vous parler au lieu de me noyer dans vos yeux, dans mes verres de vin rouge et de bière, dans ma timidité. Madame, ce ne fut qu'un instant pour moi, une musique de printemps dans un hiver bien persistant, dans un hiver bien persistant. Madame, quand j'ai croisé vos yeux, j'eus droit à un don généreux qui vaut bien cet air peu fameux, qui vaut bien cet air peu fameux. Bien sûr, j'aurais pu me lever, j'aurais pu vous parler au lieu de me noyer dans vos yeux, dans mes verres de vin rouge et de bière, dans ma timidité. J'ai croisé vos yeux, pour vous, ce n'était sûrement qu'un jeu. Mais moi, je me suis senti mieux. Mais moi, je me suis senti mieux. Merci.